Bonjour messieurs. Bonjour. Enchanté. Merci. Sachez que c'est un honneur de vous recevoir dans nos bureaux et de travailler avec vous. Merci beaucoup, l'honneur est pour nous. On a préparé un petit contrat de sponsoring classique pour vous. Toi. Exactement comme on avait discuté. Ouais, mon pote il m'en a parlé, j'ai regardé un peu et tout. Tout me va dedans. Il y a juste un point en fait que je voulais savoir en fait. Est-ce que ce que vous offrez en fait dans le contrat de sponsoring, on a le droit de l'offrir ou de le donner à qui on veut en fait? Ah, vous en disposez comme vous souhaitez. D'accord, parce que j'estime que notre public il nous a donné assez de cadeaux déjà. Parce que nous on a déjà notre petite idée dessus, comment on va faire pour les cadeaux et tout. Et si c'est bon, bah c'est parfait. Non, ça présente aucune difficulté. Dès que vous signez, dès lors que vous signez, les cadeaux qui sont sur le listing, vous les donnez à qui vous voulez. D'accord, c'est parfait alors. Et je pense qu'on est bon pour signer, allez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Dis-moi pourquoi il surveille ma vida. Moi je suis resté le même depuis Dalida. C'est pas l'argent, c'est Dieu qui m'a guidé. Moi, comme les miens, je peux mourir pour mes idées. On se sent plus fort ensemble, on voit plus le temps passer. Un jour tu t'en iras, tu finiras par t'enlacer. Moi j'ai chaud, t'es la paix, la tristesse et la joie. La misère aussi, car je suis pas fils de bourgeois. J'achète pas les vues, moi j'achète maison pour la maman. Le futur est traître comme tous ces politiciens. Moi je vais rester en bas avec tous ceux qui se battent. Comme toi, baba. Frérot, tout va vite. Ma vie, on la surveille beaucoup. Ah oui, l'espoir fait vivre. Moi j'ai vu leur vrai visage, je m'en fous. Ah oui. Je demande à ma matrice. Maman, le futur fait peur. Meilleur ou pire, millionnaire ou pauvre. Oh oh oh, la chica, tu parles à moi ou à mon oseille? J'ai rêvé qu'un serpent me mordait dans mon sommeil. Crois-moi, ça fait plus mal quand tu tombes du sommet. Ce que l'être humain t'a volé, Dieu te l'avait donné. Mucho mucho dinero égal mucho mucho. كل شيء مبروك بيان سور بصح مني ولا شقيوكم حتى لهنا في بطل كيفاش؟ لا لا تآمن الحاج والله غير بصحتك الحاج الله يرحمك.